Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Évidemment, tout est dans le titre. On parle de bande dessinée. Cette semaine, en fait, deux angles. J'aurais envie de dire, en fait, deux angles qui s'intéressent ou qui explorent un genre similaire, mais en même temps, la série de notre premier invité va d'un genre à l'autre, j'ai l'impression. Mais on partait quand même avec le western dans le premier tome. Alors, prétendons que c'est le pont, le lien entre les deux segments de cette émission. Donc, en deuxième moitié, on aura Michel Giguère qui va venir nous parler de façon libre et ouverte du western en bande dessinée, en amont d'une rencontre des rendez-vous de la BD, donc des belles occasions de mettre la table autour justement de ce sujet, de cette thématique. Alors ça, c'est pour la deuxième moitié. Et pour la première moitié, ben on poursuit une exploration qu'on a déjà amorcée depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est l'exploration de du triptyque Rédemption, donc bande dessinée de Leaf Tand. Trois tomes, trois sorties au fil de l'année. Et on s'est dit, ben est-ce qu'on attend après les trois tomes et qu'on en parle pendant une heure et demie, ou est-ce qu'on le fait par petits morceaux? Finalement, c'est la deuxième option qui a remporté. Et ben justement, on se lance aujourd'hui avec le troisième morceau, la troisième partie de notre trilogie d'entrevues autour de cette trilogie. Alors, Leaf Tand est avec nous en studio. Bonjour. Hey, salut Raymond. Et ben en fait, j'imagine que là, on arrive, le troisième tome est sur les étaux des libraires depuis déjà quelques semaines. Les sorties coup sur coup sont faites, l'ensemble est disponible. Est-ce qu'on a l'impression que ça devient une grosse étape parce que ça reste un gros morceau? On le disait d'entrée de jeu aussi il y a quelques mois de ça, c'est une grosse période de travail. Donc oui, absolument. Écoute, c'est un truc absolument magique d'avoir les trois qui sont là. Je veux dire, c'est une trilogie, donc l'histoire est complète. Je m'attends à avoir des feedbacks sur l'histoire complète enfin. Les gens ont lu le premier, ont lu le deuxième, m'ont fait des commentaires d'un côté comme de l'autre. Mais là, de venir pour la troisième fois ton émission sur l'ensemble du truc, c'est une autre chose complètement. Et tu m'avais averti, en fait, chaque tome n'est pas du pareil au même, en fait. Mm-hmm. La division et le choix de passer d'un tome à l'autre, si on peut dire, se justifie amplement, à mon sens, par justement le ton du récit. Dans le premier, on était vraiment dans le western, on empruntait ses codes. Dans le deuxième, on était presque un peu, j'aurais envie de dire, et c'est peut-être pas la meilleure description, mais dans un dialogue philosophique, dans le fond, dans un échange, dans un dialogue, dans une BD qui était très axée sur le texte, comparativement au premier qui était très contemplatif. Dans le troisième, là, on s'en va dans une catabase, dans le fond, entre Orphée et Dante, donc c'est une descente aux enfers. Totalement. Tout ce qui est plus classique, mais en même temps avec ta sauce à toi. Oui, absolument. Écoute, quand j'ai vu la réception du premier, ça m'a énormément stressé pour le deuxième et le troisième parce que je me suis dit, merde, ils sont tous différents, mais le premier est vraiment très contemplatif. Il est très. C'est une introduction à cet univers-là. Là, tout à coup, on se retrouve dans le deuxième avec le nœud du problème. Le problème, le personnage fait face à qu'est-ce qui se passe. Il doit discuter, il doit parlementer avec quelqu'un avec qui il s'entend, mais pas du tout, qui est le diable en cette circonstance-là. Et puis, après ça, on débarque sur le troisième qui est carrément... écoute, je l'ai dit à plusieurs personnes, le troisième dérape. Il dérape complètement. Parce que, entre les 10 ans que j'ai pris pour faire ces trois albums-là, pour différentes circonstances, j'ai lu la Commedia dell'arte de Dante, puis je me suis dit, oui, j'avais une descente aux enfers, mais elle était infiniment beaucoup plus simple. Puis je me suis dit, non, je veux la rendre plus complexe, je veux pouvoir profiter de tout ce matériel-là que je viens de lire, je viens d'apprendre, je veux amener ça là-dedans. Fait que j'ai dérapé, ça a pris énormément plus de pages, mais énormément plus de plaisir, en tout cas de mon côté à faire. Là. Et en même temps, en fait, j'imagine qu'il fallait un peu s'y attendre dans la mesure où, d'album en album, tu nous as toujours habitués à un désir d'expérimentation, en fait, qu'on sentait, que ce soit avec Morlach, que ce soit avec L'Origine de la vie et les autres. Il y a une volonté d'expérimenter, donc nécessairement, fallait s'attendre à ce que si Leaf Tand aborde un album en triptyque, mais que ça soit pas trois tomes dans le même style, dans le même esprit, que ça soit une continuité, mais dans l'histoire plutôt que dans le style, au bout du compte. J'ai tellement aucune idée de ce que tu viens de dire. Mais je trouve ça fantastique, parce que c'est vrai, en fin de compte. C'était prévu qu'il y ait trois tomes. Je veux dire, dès le départ, j'avais trois espèces d'étapes d'histoire prévues en tête. mais je pensais pas que ça allait être aussi différent. Puis effectivement, je pense que chaque album a vraiment ses particularités, a vraiment son code, a vraiment son monde carrément, là. Oui, puis dans le fond, c'est au bout du compte, entre les trois, ben, on s'attache à l'histoire, évidemment. Nécessairement, j'imagine que les gens qui vont lire cette trilogie-là, ben, vont se dire, ben, OK, moi, c'est vraiment le troisième qui m'a le plus accroché, le premier, le deuxième, parce que, comme ils sont très tranchés, ben, on passe vraiment d'une ambiance, d'un style littéraire, d'un genre, dans le fond, à l'autre, mais toujours avec la même histoire. Donc, t'as raison. Effectivement, il y a des gens qui m'ont dit, écoute, j'ai préféré le premier, j'ai aimé ça, le côté très calme, le côté très comme contemplatif et tout ça. Puis c'est vrai, puis il y a eu des très bonnes critiques là-dessus. Quand j'ai eu les critiques du premier, je me suis dit, merde, comment ils vont recevoir le deuxième? Parce que le deuxième, il y a beaucoup plus de dialogue dedans, il y a beaucoup plus de gens qui discutent, puis qui se renvoient des trucs, puis tout ça. Puis je me suis dit, ben, peut-être qu'il est trop verbeux, peut-être que j'ai merdé, puis j'ai trop laissé de paroles, tout ça. Puis dans le troisième, écoute, je me suis carrément éclaté, je me suis fait plaisir à moi-même. Puis s'il y a des gens qui aiment ça, ben, à quelque part, c'est qu'ils ont probablement un lien commun avec moi, quelque part. Et évidemment, en fait, tu l'as dit, on parlait tantôt de la Divine Comédie, on sent les influences aussi mythologiques à travers tout ça. Donc, c'est vraiment la descente aux enfers. On part des limbes et on se rend jusqu'au cercle central et on passe, dans le fond, d'un cercle à l'autre. Donc, on a un peu l'esprit road movie, si on peut dire, du premier, donc avec des épisodes, mais beaucoup plus ancré. On sait exactement au départ ben, combien il y a de cercles, vers où on s'en va, et le crescendo démarre un peu avec ça. Écoute, si on part avec une bonne base de culture, je pense qu'on le sait, oui. Si on le sait pas, écoute, on s'aventure dans une espèce de road movie où c'est une descente constante. Puis le problème, c'est que Mike, en descendant, c'est pas un winner. Il fait son possible, puis il se trouve très hot, mais honnêtement, il frappe des nœuds, puis il trouve ça difficile en descendant. Donc, puis là, on sait toujours pas, en descendant, s'il descend pour aller donner son opinion au diable de qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe en ce moment, ou s'il s'en va mettre le genou à terre et dire, je veux dire, écoute, j'ai plus aucun message qui s'en vient d'en haut, j'embarque avec toi, tu sais. Et ça, c'est genre, en fait, parce que le moment central de l'album, c'est justement cet instant-là. Et j'ai l'impression qu'en relisant, justement, après avoir lu le troisième, si on retourne, là, on peut voir un peu les rouages de l'un ou de l'autre. Mais effectivement, en fait, on a l'impression même qu'à la limite, Mike ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il va faire au bout de ce trajet-là. Non seulement Mike ne le sait pas, mais moi, j'étais pas sûr non plus. Non, c'est pas vrai. J'avais quand même un scénario décrit dans l'avance, mais honnêtement, Mike, en descendant, probablement remet en question un paquet de trucs continuellement. Puis c'est très difficile pour lui de faire ça parce qu'il va contre ses propres principes. Puis je prends encore un moment ici pour dire à tout le monde que je suis athée et que je n'utilise que des personnages qui sont bibliques et ou de cette origine-là. Pour créer une histoire, mais tu sais, pour utiliser qui est bon, qui est mauvais, puis en même temps pour tordre qui est bon, qui est mauvais aussi, tu sais, c'est un peu ça le plaisir, quoi. Et est-ce que c'est aussi un plaisir un peu d'essayer d'amener, est-ce que t'as bâti ta vision ou t'as réfléchi justement au questionnement que t'amène Mike, dans cet album-là, dans le fond, le bien, le mal, la place où on s'en va, où le monde s'en va, etc. Ça peut être interprété comme un peu nihiliste comme album à certains égards, à d'autres égards, il y a probablement d'autres interprétations, mais est-ce que c'est un peu c'était une occasion de remise en question pour toi? J'aimerais dire que je suis assez intelligent pour avoir fait quelque chose comme ça, mais je crois pas. Je veux dire, je suis profondément athée, mais en même temps, je veux pas remettre les gens en question sur qui ils sont, ce en quoi ils croient ou quoi que ce soit. Tout simplement, il y avait une bonne histoire là. Je crois qu'il y avait une bonne histoire, quelque chose qui n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, mais je me dis, les quatre cavaliers de l'Apocalypse se présentent dans le temps du Far West. Comment on fait pour se rendre jusqu'où on est aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on s'est rendu jusqu'ici? Puis Mike est un peu comme la solution à tout ça, tu sais. Ça m'est venu comme ça. Qu'est-ce que je peux pas t'expliquer plus que ça. Et donc, on tombe. Ben, tu parlais tantôt de recherche, exemple pour les neuf cercles. Les influences semblent assez variées dans la mesure où le Cerbère, par exemple, il est loin de l'image qu'on s'en faisait côté mythologie grecque, donc on est ailleurs, mais il y a d'autres éléments, d'autres personnages, par exemple Pluto, si je me trompe pas, où on se retrouve peut-être un peu plus dans l'imaginaire qu'on s'en faisait. Donc, on va puiser à différentes influences, on interprète. J'imagine qu'il y a eu un bon travail visuel pour les trouver, ces différents personnages-là qu'on rencontre au fil du récit. Oui, effectivement, j'ai quand même fait une bonne recherche là, côté visuel pour m'essayer de trouver des personnages qui allaient représenter chacun des cercles. Bon, Dante a quand même dicté qui dirigeait chacun des cercles et tout ça, mais en même temps, bon, Cerbère, c'est un gros loup, un gros chien avec trois têtes, avec des yeux et tout ça. Puis, je sais pas, il y avait quelque chose de trippant de dire que c'est peut-être finalement un espèce de gros ténia, un gros ver solitaire, ou en tout cas à trois têtes, ou un truc comme ça. Puis le pire là-dedans, c'est que j'ai vu ça dans un autre truc récemment. J'ai un blanc de mémoire, je me souviens plus. Dans les jeux vidéo? Oui, le truc de Dante's Inferno. Oui, exactement. J'ai écouté Dante's Inferno, mais la version sur Netflix, le vidéo, quoi. Okay. Puis j'ai fait comme, fuck, ils ont fait la même chose que moi. J'avais absolument aucune idée. Aucune idée. Mais je trouvais ça tellement trippant. J'ai toujours aimé le look. Tu sais, non, j'ai jamais aimé l'idée d'un ver solitaire, mais j'ai toujours aimé le look d'un ver solitaire. J'ai toujours trouvé que ça avait quelque chose de trippant. Puis je me disais, comme c'est tellement infiniment plus trippant qu'un chien. Dans Morlaq, j'avais un chien à trois têtes qui représentait un petit peu l'enfer, si on prend le bon chemin pour se rendre. Là-dedans, je sais pas, il y avait quelque chose de trop trippant où c'était justement le côté de la gloutonnerie, puis tout ça, les gros et tout ça. Puis là, t'as ce gros-là avec trois têtes un peu étranges, avec des vers solitaires. Je trouvais que ça fitait. Oui, puis en plus, dans la façon que tu l'amènes, je veux dire, ces pages-là, c'est pratiquement néon, là, je veux dire, en termes de visuel, là, c'est le choix de couleur fait qu'on est dans une ambiance, en fait, inconfortable, gluante, en fait, qu'on sent peut-être un peu, je veux dire, on comprend ton personnage dans sa réaction, dans cette eau-là, de par le choix de couleur, principalement. Écoute, Chaque cercle a son choix de couleur. J'ai jamais été un coloriste, ok. J'aimerais ça donner, admettons, un album à Joël Comtois puis dire comme éclate-toi côté couleur, parce que je sais que c'est une coloriste hallucinante. Il y en a plein d'autres que je connais aussi, mais en même temps, là c'était mon truc. Puis je sais pas, il y avait un truc avec le turquoise et les gros et l'espèce de cercle à gourmandise. Je peux pas te dire que j'ai exploré tant que ça puis que je me suis posé tant de questions que ça. Okay? C'est un peu instinctif. Tout ce que je fais est un peu instinctif. Si ça marche, c'est ma faute. Si ça marche pas, ben c'est aussi ma faute. Okay? Mais je sais pas. Cette espèce de cercle-là, avec ce personnage-là, avec le bleu pâle qui est un peu comme malaisant, avec le bleu plus turquoise et tout ça, la pluie et tout, il y avait quelque chose qui fitait avec ce côté-là. Oui, puis de la manière d'y arriver un peu aussi, où on part, bon, une fois qu'il y a passé le cercle de Minos, donc là, on tombe avec du vent, donc ton vent qui tranquillement passe aussi dans le fond du mauve vers ce bleu-là qui fait tranquillement son apparition. Et c'est quelque chose que tu utilises beaucoup aussi dans les pages, où contrairement peut-être au premier tome, où c'était quand même plus tranché côté couleur, on est dans un épisode, whoops, on est dans un autre. Là, ici, il y a comme une ou deux, entre guillemets, cases de transition où on voit la couleur d'un épisode au fond, puis on passe sur un autre. Là. C'est vrai que je laissais des petits indices sur qu'est-ce qui s'en venait. Une chose qu'il faut que je dise, c'est que le gain de presse m'a pas servi nécessairement énormément dans cet album-là pour deux choses qui m'ont été notées plusieurs fois. Toute l'entrée à l'intérieur là, de si tu veux, du couloir qui mène à l'enfer est très foncée, effectivement. Puis honnêtement, à l'écran, ça paraissait vraiment bien, mais à l'imprimé, c'est pas évident. Puis j'aurais aimé pouvoir avoir les cases pour pouvoir juger, puis pouvoir dire, eh ben, il faut changer un peu. J'avais parlé avec mon éditrice, puis pour la couverture, on m'a fait changer les couleurs, puis je suis heureux parce que la couverture paraît vraiment bien. Mais à l'intérieur de l'album, on a des manques au niveau de... Bon, le nom... quand il entre dans l'enfer, il y a la phrase qui est citée par Dante, qui paraît pas au début, mais qui paraît à la fin, parce que le gris est pas le même. Même chose quand on arrive à la fin aussi, que le personnage sort de l'enfer, quand il parle en rouge foncé sur fond brun, et les deux se ressemblent énormément, puis c'est très difficile. Fait que je dirais que, heureusement, j'ai entendu parler par mon éditrice qu'il y aurait probablement une réédition, puis que j'aurais probablement la chance de retravailler un petit peu les couleurs. Donc, peut-être qu'une prochaine sortie d'album va aider. Là. Oui, parce que c'est pas évident, en fait, de travailler avec des couleurs assez sombres aussi. Ouais. Puis en même temps, ben, dans le fond, le sombre est nécessaire pour plonger, pour sentir qu'on creuse, qu'on descend. Qu'on, donc, ah, c'est sûr qu'on ne peut pas s'en sortir, là, c'est ouais. ça. C'est ça, exactement. On n'est pas au paradis. On s'enfonce de plus en plus. Puis les couleurs foncées sont nécessaires. Faut donner cette impression-là. Mais en même temps, à l'imprimer, faut arriver à quelque chose qui est lisible. C'est toujours le défi un peu. Effectivement, ça devient plus facile entre noir et noir ou noir et gris versus noir et rouge, noir et turquoise, comme on parlait tantôt. Donc, il y a des métissages qui se font. Et toujours avec l'idée que chaque cercle a un peu son identité, son cadre. Quand on tombe avec les cercles où on est plus dans la chaleur, le feu et le reste, faut la sentir aussi. Donc, j'imagine dans le choix des rouges, dans le choix des tons, dans le choix des compositions, mais c'est comme ça qu'on va réussir à amener cette impression-là. Ouais, c'est venu comme ça. Écoute, en lisant, il y avait des trucs, il y avait des tortures dans Dante que je trouvais absolument sympathiques. Devrais-je dire ça? Et que j'ai voulu absolument comme reproduire ou en tout cas amener. T'sais. Les gens qui ont lu la comédie, la Divine Comédie, qui vont lire ça, vont faire des liens, vont voir des trucs. Mais effectivement, il y a des cercles qui sont plus dans les orangés, des cercles qui sont plus dans les rouges. Il y a des trucs des tortures qui sont exactement comme correct par rapport à... Chacun des cercles a comme une espèce de mention par rapport au genre de sin... De péché. Le péché qui vient avec et tout ça. Donc, il y a 9 cercles pour se rendre jusqu'au bout. Puis, je sais pas, j'ai hâte de parler avec des gens qui ont lu Dante puis qui ont lu ce que j'ai fait puis qui vont faire des liens. Oui, ben en fait, un peu comme on en faisait avec le western, d'une certaine façon, c'est ça reste où on part avec une référence, puis après ça, dans le fond, on s'amuse, on l'interprète, on la développe, on se l'approprie, et dans le fond, finalement, dans cette trilogie-là, ben, on passe du western à la Divine Comédie, dans le fond, c'est un peu aux antipodes à certains égards, mais après ça, c'est la question, c'est de voir comment tu réussis à te l'approprier au-delà de la source initiale, dans le fond. Mais tu me fais réaliser ça, puis c'est vrai, j'ai un côté très cinéphile, puis j'ai un côté très lecteur aussi, tu sais. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire dans la littérature à peu près n'importe quoi. Puis côté cinéphile, j'aime beaucoup plein de choses. Puis oui, c'est vrai, j'ai vraiment, dans cette trilogie-là, essayé de marier mon espèce de côté amour pour le western, mais en même temps, mon côté... appréciation pour ce qui est justement ces romans-là plus historiques par rapport à l'enfer et tout ça, puis manichéen, tu sais, avec le bien, le mal et tout ça mélangé. Puis évidemment, en allant chercher des personnages directement dans la Bible, aller puiser directement à la source du il y a le bien, il y a le mal, mais twister ça un peu tout croche, ben ça faisait partie de cet univers-là que je voulais créer. Et dans le fond, une fois qu'on a cadré un peu de la mythologie, les personnages, le look, ben là c'est la question de l'action. Évidemment, chaque cercle amène dans le fond son contexte, dans la mesure où il y en a qui sont peut-être un peu plus dans le dialogue, il y en a d'autres qui sont plus dans des séquences d'action, il y en a qui sont plus brèves, 2 planches, 3 planches, il y en a qui s'étendent un petit peu plus. Je pense à la section des harpies par exemple, où là on développe un peu plus autour de tout ça. Il y a un rythme. Donc après ça, là, on tombe un peu dans la balance, dans le fond, dans l'équilibre du récit. Donc des moments plus d'action, des moments plus de réflexion et le reste? Honnêtement, je ne suis pas retourné pour calculer exactement, mais je pense avoir essayé de laisser un espèce d'équilibre relativement égal à chacun des cercles. Il y a des trucs, par exemple, qui me font triper, comme le cercle où il rencontre Méduse. J'ai adoré le dialogue, là, puis je me suis carrément arrêté à ce moment-là, puis je me suis dit, merde, est-ce que je refais tous les dialogues? Est-ce que il y a quelque chose dans ce dialogue-là, il y a quelque chose entre Saint-Michel, Archange, puis Méduse, quand ils dialoguent, carrément comme... pas sarcastique, insultant, ou je sais pas quoi dire exactement, mais il y a quelque chose de magique là-dedans, puis j'ai trouvé ça super cool, puis je me suis dit, man, j'aimerais ça avoir plus ça dans l'album, mais ça fit bien là, parce que les deux se rencontrent, puis les deux ont des trucs à dire, puis ça finit comme ça, tu sais. Pour le reste, ben écoute, je pense que j'ai essayé quand même d'équilibrer les trucs. Il y a des cercles peut-être un petit peu plus ordinaires que d'autres. Mais en gros, ce qui est super le fun, c'est aussi le voir sortir de là, tu sais. Mm-hmm. Le voir sortir de là puis régler ses comptes. Ça, c'était quand même plaisant aussi. Il y a un petit côté satisfaisant là-dedans. Oui, puis ça, c'est, on dirait que c'est le côté que l'épilogue, on pourrait presque dire, dans le fond, la dernière section du livre où, justement, là, on a monté, on descend, mais en même temps, c'est la descente aux enfers, on la vit un peu comme un crescendo, mais un crescendo qui s'en va vers le silence, mm-hmm. au bout du compte, vers le vide, le moment, la rencontre avec le diable à la fin, dans cette espèce de vide-là qui l'occupe, l'espace, le sac de la trahison, finalement, le froid, gelé. On prend une pause et je trouve que ça fait un sentiment particulier après le crescendo des éléments qu'on en arrive à ce moment-là placé. Puis après ça, c'est comme si, dans le fond, au bout du compte, on retarde un peu un inéluctable qui arrive par après qu'on dévoilera pas. Mais ça crée une ambiance particulière aussi pour ce segment-là, précisément. Ben exactement. Surtout que le reste nous est raconté. Donc, on peut le croire, on peut ne pas le croire. Le personnage fait face à ses adversaires puis dit, écoute, voici ce à travers quoi je suis passé. Puis là, il se met à raconter exactement comme sa remontée des enfers. Puis ça, c'est un autre truc complètement, là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu le crois, t'embarques, ça t'effraie? C'est comme un préambule à tout ça, quelque part. Puis ça met la place pour la confrontation finale, là. Exact. Et tout ce qui arrive, dans le fond, dans le dernier segment, si on peut dire. Donc, non, c'est un ouvrage assez, on passe, en fait, chaque cercle a un peu son ambiance, l'élément avec le diable a son ambiance, ensuite, il y a l'explosion finale, tu parlais un peu de l'éclatement, de s'éclater, le reste, je trouve que ça sent bien dans les dernières pages, il y a un rythme très particulier, si on peut dire, puis mis bout en bout, de lire la trilogie l'un après l'autre comme ça, ben ça... Il y a un beau sentiment d'unité qui en ressort malgré justement le fait que chaque segment a son identité propre dans le fond, puis qu'on cherche pas à dire ben voici, on a placé du western, faut rester comme ça tout le temps. Donc au contraire, on s'éclate, on change de style, mais de réussir à garder une unité de ton à travers ces styles-là, c'est ça, je trouve, la force de l'expérimentation, une des forces, en fait, d'expérimentation que tu proposes avec Rédemption. Écoute, je vais l'accepter de ta part parce que je vais pas prétendre que c'est ce que je voulais faire. J'espérais faire en sorte que le récit se tienne d'un bout à l'autre. Maintenant que je réussisse ou que je réussisse pas, c'est les gens qui vont lire, qui vont l'adopter, qui vont entrer dedans, qui vont le savoir. Entre autres, la fin. J'ai toujours été quelqu'un qui travaillait beaucoup sur une fin surprenante ou une fin qui amenait quelque chose d'autre ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai aucune idée comment ce que peut être reçu. C'est pas évident, là. À date, les commentaires que j'ai eus étaient positifs. Mais à chacun de voir, là, après s'être tapé 3 tomes, cette fin-là, comment est-ce qu'il l'accepte? Oui, puis c'est le genre de fin, en fait, parce que je veux pas trop dévoiler. En fait, je veux pas du tout dévoiler quoi que ce soit là-dessus. De pas faire. Faut pas, mais ce que je dirais, c'est que c'est le genre de fin qu'après ça, c'est le fun, justement, de retomber sachant où le crescendo va nous amener, mais après ça, de relire un peu pour refaire le chemin, mais en connaissant l'arrivée, mm-hmm. Je trouve que ça amène d'autres éléments, d'autres perspectives de lecture, d'une certaine façon. Puis il y a une logique intrinsèque à cette fin-là. C'est pas juste une fin comme je vais tous vous surprendre, vous allez tomber de votre chaise, puis ça va être incroyable, puis sixième sens, puis tout ça. Il y a une logique intrinsèque à ça. Il y a un désir qui s'est installé à partir carrément du deuxième album de dire ça se peut que ce soit vers là que ça s'en aille. Est-ce que les lecteurs vont s'en rendre compte? Est-ce qu'ils vont embarquer? Est-ce qu'ils vont dire ah, j'avais déjà compris? Ou est-ce qu'ils vont dire comme je pensais jamais que ça irait là? Je sais pas. Honnêtement, comme je t'ai déjà dit dans une entrevue précédente, je suis quelqu'un de très instinctif. J'y vais, j'ai pas de, je crée pas une espèce de tableau technique pour dire comment le scénario doit évoluer, puis en 3 actes, puis il doit se passer ça, puis là les gens doivent être surpris de telle chose, tout ça. J'y vais très instinctif, puis ça se peut que ça fonctionne super bien, comme ça se peut que ça merde incroyablement. Puis c'est un danger dans lequel je me mets, puis que je trouve intéressant aussi. Mais j'imagine en fait que pour toi, s'il n'y avait pas ce danger-là, il y aurait peut-être moins de motivation dans la création. Je veux dire, tu as besoin d'essayer, d'expérimenter, de repousser les lignes, dans le fond. Absolument, absolument. Je veux dire, le fait de créer, le fait de me lancer là-dedans, c'est cette espèce de recherche de est-ce que j'arrive à quelque part ou est-ce que je tombe dans un cul-de-sac, tu sais. Si je tombe dans un cul-de-sac, normalement, l'éditeur va me dire comme « c'est dommage, mais on publie pas ». Ce qui est arrivé, j'ai une couple de trucs qui sont dans mes trucs qui ont jamais été publiés. Mais en même temps, il faut que je me mette en danger comme ça. Il faut que je fasse ça parce que juste de dire « je planifie un scénario qui est basé sur une structure en trois actes où le personnage a un défi, le personnage rencontre un obstacle, décide de fonctionner. » Je veux dire, ça va refaire un Star Wars moins, je trouve pas ça intéressant là. Et puis en même temps, c'est justement après, des fois c'est de se demander où on peut s'en aller, quel genre de défi on peut se proposer. Donc après avoir fait un truc comme Orlac, après avoir dit bon ok, je dessine une BD par jour pendant un an, puis il faut que ça se tienne, ben où c'est toujours un peu la question de quel défi, comment on se remet en danger. Oui. Et j'imagine que dans ce cas-ci, l'idée des actes, si on y va vraiment juste à la base, ce que tu viens d'exposer, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie d'essayer, mais que tu trouvais pas la twist pour justement te motiver à le faire parce que à un moment donné, il manquait le contexte, le danger, justement, puis que c'est... C'est une très bonne question. Je reviens sur ce que tu disais, tu sais, en 2008, d'avoir fait l'origine de la vie, c'était un gag par jour. J'avais une idée de où ça finissait, j'avais une idée d'où ça commençait, mais entre les deux, c'est de l'improvisation carrément. Morlaque, même chose, c'est de l'improvisation de A à Z, et j'avais trouvé la technique et tout ça. Honnêtement, pour ce qui est de rédemption, j'avais l'histoire au complet. Je savais où ça s'en allait. Mais je savais qu'il y avait comme trois tons là-dedans. Maintenant, je voulais faire un triptyque. Dès le départ, je me disais, j'ai envie de le faire en triptyque. J'ai envie d'avoir trois albums. J'ai pas envie d'avoir un gros album de 420 pages qui raconte toute cette histoire-là. Je trouve que ça se divise bien en trois. Puis je trouve qu'il y a trois histoires différentes là-dedans. Même si c'est le même personnage qu'on suit, même si à la limite, on arrive à la même chose à la fin. Fait que ça a été un truc avec lequel je me suis j'ai travaillé, puis en même temps ben il y a énormément de pages qui se sont ajoutées au fur et à mesure. À la fin, moi j'ai eu énormément de fun à faire le troisième, tellement que je veux dire, c'est passé de 240 pages, c'était prévu 250 pages à 420 pages. Ça a carrément dérapé là. Mais à cause de Dante, à cause d'un paquet de trucs, mais en même temps, je pense que selon moi, ça a été dans le ça faisait partie de l'histoire, ça marchait avec l'histoire. Mm-hmm. Enfin, une fois qu'on a trouvé le ton, le rythme, le truc, après ça, ça devient facile de plonger, ouais. Ça devient facile de se laisser emporter, puis ça devient facile de contrôler l'emportement pour que l'improvisation ne nous amène pas n'importe où non plus. Ah, c'est ça, exactement. Parce que c'est l'autre danger aussi, quand on se lance, qu'on sait pas trop où on s'en va, à un moment donné, ben, comme tu le dis, on finit par frapper un mur, que dans ce cas-ci, à tout le moins, on n'avait pas la contrainte de temps de l'origine de la vie où si tu frappes un mur, faut que tu ramènes différemment. Là, ici, tu le faisais à tout le moins dans le privé, donc si t'as frappé des murs, t'as pu les ramener. Mais ça reste ambitieux dans quand même un récit de 420 pages et le reste avec les lectures, les mythologies, etc. Ouais, ça fait beaucoup d'ingrédients. Je pense qu'on parlait d'équilibre ou de jeu d'équilibriste dans d'autres segments de l'entretien. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça reste un peu là-dedans aussi, dans le fond, de comment réussir à faire le métissage pour que ça soit pas trop un, pas trop l'autre, ou qu'on a placé le western au début, de pas complètement perdre ça non plus quand on arrive à Divine Comédie, sachant qu'on va ressortir avec le western de toute façon, parce qu'au bout du compte, ça nous revient vers l'épilogue dans l'esthétique du début. Ce qui est assez magique, puis je sais pas qui va le remarquer, mais là, je vais le dire. Peut-être que les gens vont le remarquer plus. La confrontation finale se passe exactement dans le même cercle entouré de tombes et tout ça que dans un des films de Sergio Leone. Là. L'intention était là, ça se passait là, puis c'est exactement dans le même setting. Là. Fait que à vous de trouver quel film. Alors, on lance des défis et voilà. À travers tout ça, Liftan, donc on s'est dit, on a terminé Rédemption, les trois tomes sont faits, c'est publié. Oui. Est-ce que t'as déjà ton prochain défi en tête ou est-ce que t'es en mode, on prend une pause, on voit un peu puis éventuellement on en replonge ou? Écoute, t'es cruel. Non, c'est pas vrai. Écoute, j'ai trois ou quatre scénarios sur la table en ce moment. J'ai plusieurs trucs sur lesquels je pourrais me pencher puis me garocher puis faire de quoi. Je prends le temps. Je prends le temps de penser à ça. J'avais pas du tout assimilé le fait que dans un an, on allait sortir comme tous les trois tomes, que ça allait débouler comme ça, puis qu'éventuellement, peut-être, il y a des gens qui faisaient comme « Ah, mon Dieu, t'existais pas quand je suis né, mais aujourd'hui, j'aime bien ce que tu fais. » J'ai rencontré des gens comme ça. Donc oui, il faut que je m'y remette, il faut que je me batte le cul, puis il faut que je livre quelque chose éventuellement. Ouais. Alors, on découvrira qu'est-ce que ce sera en cours de route. Mais je vous garantis une chose, c'est que ça va être différent. Oui, ben comme toujours, en fait. C'est ça. Je pense que c'est ta marque de commerce. Peut-être, oui. Alors, en fait, les trois tomes donc qui sont disponibles, évidemment, on l'a mentionné, donc c'est la série Rédemption. Liv Tan qui était avec nous ici en studio, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, voyons. Puis on se dit, ben, à une prochaine sûrement. Un gros merci à toi. Alors, toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRS. Toujours en 8 bits, comme d'habitude, à La Vie en BD. Cette semaine, c'est Trash 80 avec son album Icarus qui nous accompagne dans ce petit passage. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les balados diffusion de La Vie en BD sur lavieenbd.wordpress.com et également, ben, on est présent sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. On vous invite à nous y suivre pour avoir accès à différentes actualités BD. On en diffuse quand même plusieurs. Alors ben voilà, parlant d'actualité BD, ben il y a toujours de l'événementiel et ben le mercredi prochain, le 11 décembre, c'est la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD, la dernière rencontre de l'année des rendez-vous de la BD. Hey. Michel Giguère, bonjour. Salut Raymond. Et Michel, en fait, ces dernières années, si je place un peu la thématique du prochain événement, on a assisté à une recrudescence de sorties de bandes dessinées à caractère western. Évidemment, le phénomène ne t'a pas échappé. T'as choisi d'y consacrer un de tes rendez-vous de la BD, le dernier de la saison. Et le titre, donc, de cette rencontre qui aura lieu, je le rappelle, le mercredi 11 décembre, 19h, c'est « Le cow-boy qui ne veut pas mourir ». Alors, Michel, un phénomène western, donc, qui est au cœur de cette rencontre. Ouais, ben, le mot que tu prends est pas trop fort, phénomène. Écoute, juste pour te dire, très concrètement, il y a 2 ans à peu près, un usager de la bibliothèque qui était venu au rendez-vous de la BD me dit « Monsieur Giguère, vous devriez faire quelque chose sur le western ». Puis il y a 2 ans, je lui ai répondu « Mais mon monsieur, moi j'adore ça le western, mais il y aura personne. Tu sais, c'est fini le western, tu sais, son avenir est derrière lui le western ». Et tu vois, à peine 2 ans plus tard, là, ça s'impose, il faut faire quelque chose, il en est sorti des tonnes. Et c'est fou parce que je dis, j'aimais ça. Quand j'étais enfant, il faut comprendre, je m'adresse peut-être aux plus jeunes là, qui ont dans les 30-40 ans, là, il n'y a aucun autre genre, ni science-fiction, ni heroic fantasy, oubliez ça, il n'y a rien qui nous faisait plus rêver que le western. Mes chums puis moi, en tout cas, j'ai pas fait des études scientifiques sur le sujet, mais autour de moi, là, durant les années 70, il y avait eu quelques excellents films dans les années 70, comme Little Big Man ou Le Dernier des Géants, Le Dernier John Wayne, que j'ai visionné il y a quelques jours à peine d'ailleurs. Mais le film de cowboy, en tant que genre, entamait son déclin même au cinéma dans les années 70. Mais les petits gars et les petites filles de l'époque n'allaient pas tant que ça au cinéma. Nous autres, c'était à la télévision qu'on voyait ça, fait que ça nourrissait notre imaginaire. Et puis, il y avait comme un décalage de quelques années comme ça. Alors, nous, on était encore portés par la vague des nouveaux westerns de la deuxième moitié des années 60, c'est-à-dire surtout les westerns spaghetti, avec Sergio Leone qui trônait au sommet, mais aussi des films cultes comme La Horde sauvage et Butch Cassidy et le Kid, qui, moi, était mon préféré. Effectivement, on a peut-être un peu manqué d'essence dans les années 80-90 côté western. Je pense en dehors de Unforgiven qui a essentiellement enterré le genre que tu viens de nous décrire. Sinon, c'était plus du teen western avec Blaze of Glory. Young Guns, en fait. C'est du mélange de genre. Mais bref, ça me fait rire parce que, dans le fond, nécessairement, on commence à ouvrir le western et on diverge naturellement vers le cinéma. Là. Écoute, c'est impossible d'éviter le parallèle. La bande dessinée du Far West est directement branchée sur les films de cowboys puis sur les séries télé du même genre. Le premier classique de la BD western s'appelle Red Rider, une BD américaine parue en 1938. Eh bien, j'ai fait une petite recherche sur Google et cette année-là, en 38, selon le site que j'ai consulté, il serait sorti au moins 129 films de cowboys. Fait que c'est inutile de chercher très loin là, d'où venait l'inspiration. Là. Du côté franco-belge, J.G. crée son cowboy Jerry Spring en 54 pour le journal Spirou. Ben, graphiquement, la grande influence de J.G., c'est l'américain Milton Caniff. Sauf que ce grand maître de l'âge d'or de la BD américaine, Caniff, il dessinait des histoires d'aviateurs, pas de cowboys. Le goût du western, J.G., il l'a pris ailleurs. Il l'a pris au cinéma. Il était tellement passionné des grands espaces de l'Ouest qu'il a séjourné aux États-Unis pendant quelques années. D'ailleurs, il avait emmené avec lui Maurice, le père de Lucky Luke, qui est resté encore plus longtemps. Et si on fait la filiation, d'ailleurs, entre autres disciples, J.G. a eu Jean Giraud, qui est le dessinateur de Blueberry. Un classique, évidemment, c'est incontournable quand on parle de Western, ne pas mentionner Blueberry. Et Isfahan et Blain ont repris la série récemment, d'ailleurs. Oui, que j'ai pas eu l'occasion de lire. Je suis même pas sûr qu'il soit sorti au Québec. Mais c'est un tandem assez inattendu dans l'univers de Blueberry pour les gens qui ont suivi la série depuis le début, en tout cas. Et juste avant, tu as parlé de Giraud. Eh bien, débutant, Giraud a été l'assistant du vieux J.G. sur un album de la série Jerry Spring. Et quand le jeune Giraud, sur des scénarios de Charlier, va débuter Blueberry dans Pilote en 1963, il va carrément faire du J.G. pendant quelques albums avant de trouver son propre style. Style qui, à son tour, va durablement influencer une pléiade de dessinateurs, à commencer par Yves Swolves avec sa série Durango à partir de 1980, et puis même jusqu'à sa nouvelle série à Swolves qui s'appelle Lonesome depuis 2018. Eh bien, même si Giraud et Swolves, pour nommer juste ces deux-là, ont été influencés par un aîné dans leur discipline, la BD, ça les a pas empêchés d'être en même temps, en plus, influencé par le cinéma. Le premier tome de la série Durango de Swolves est quasiment une adaptation. Bon, je sais pas si ça te dit quelque chose, le film Le Grand Silence, c'est un film culte du western spaghetti avec Klaus Kinski et Jean-Louis Trintignant, et oui. Et par ailleurs, la marque des films de John Ford est presque omniprésente dans les 10 premiers épisodes de Blueberry. Après quoi, à partir de La mine de l'Allemand perdu, puis surtout le cycle de Chihuahua Pearl, eh bien, Giraud va influer sur son scénariste pour teinter fortement la série de Western Spaghetti pour la suite. Teinter comment? Pas tant par ce à quoi on pense tout de suite en pensant, entre autres, au film de Léoné, là. Pas tant par les compositions d'images audacieuses, par exemple, les très gros plans où la profondeur de champ est étirée à l'extrême, genre que tu vois le tireur en arrière-plan qui apparaît entre les jambes de l'autre tireur qui est en avant-plan, là, dans sa rubrique à braque. Je sais pas si tu te souviens, mais Gottlieb avait parfaitement caricaturé tout ça. C'est pas tant non plus sur le plan du ralentissement de la narration qui débouche ensuite sur une explosion de plans rapides, un peu comme on voit dans les mangas, là, le jeu, les très grands contrastes dans le rythme des scènes. Non, c'est davantage sur le plan moral. Les personnages dans Blueberry deviennent, à partir de ces années-là, moins manichéens, plus ambigu, à commencer par Blueberry lui-même. L'esthétique aussi, même le héros est mal rasé, il est carrément crasseux. Bref, le cinéma est presque omniprésent dans la BD western. Il faut si tu veux, imaginer un grand arbre généalogique où s'entremêlent des branches film et puis des branches BD. Et mercredi prochain, l'auditoire va le constater de visu, c'est la beauté de la chose, sur grand écran. Je vais même m'amuser à insérer plein de ce que j'appelle des clins d'œil au cinéma tout au long de la soirée. C'est-à-dire que je vais montrer côte à côte l'image BD et l'image cinéma qui l'a inspiré. Et j'imagine, entre autres, des personnages de BD qui caricaturent des acteurs de western. Il y en avait quelques-uns dans Lucky Luke, entre autres. Là. Évidemment, c'est incontournable. C'est tellement le fun de voir ces caricatures-là. Ça va de Lee Van Cleef jusqu'à Louis de Funès. Tu me diras, Louis de Funès n'est pas vraiment un acteur de western. C'est vrai, mais il est très drôle dans Lucky Luke. Et il n'y a pas seulement dans des BD comiques aussi. Il y a plusieurs, disons, des acteurs qui enrichissent la distribution de BD plus réalistes. Et évidemment, en fait, quand on regarde l'évolution du genre western à travers un regard d'aujourd'hui, bien, il y a quand même quelque chose de très masculin. C'est un genre où les personnages féminins sont pas légion, disons. Ils sont pas légion. Ils sont parfois aussi très stéréotypés, puis ils servent de faire-valoir pour le mâle cowboy. C'est carrément macho, des fois, les westerns. En tout cas, je suppose. Moi, j'ai de la misère à juger objectivement ces westerns, surtout ceux que j'ai connus plus jeunes, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je manque de recul. Mais mercredi soir, je vais en tout cas consacrer un chapitre entier aux femmes dans le western. Évidemment, il y a beaucoup de westerns récents qui... Oui, en fait, où on intègre, je pense, à l'Avenin ou d'autres éléments comme ça, où on va chercher des personnages féminins peut-être un peu plus forts que ce qu'on avait dans les autres séries. Ça devient des machos féminins. Et en fait, Michel Giguère, souvent, ben, en fait, tu me dis, si je me rappelle d'autres de tes passages, tu parles que tu scénarises tes présentations. Donc, quand on se lance, on parle du western, ben comment on scénarise une thématique qui est quand même, somme toute, assez large. Oui, oui, ça peut partir dans toutes sortes de directions. Eh bien, moi, j'ai identifié comme des blocs thématiques. Je fais toujours ça, là. J'ai des centaines et des centaines d'images de titres différents sous les yeux sur mon écran. Puis là, j'essaie de recouper, de faire des recoupements. Il va y avoir une partie sur les Cowgirls, donc, je le disais. Mais avant ça, je vais débuter par une partie... Bon, forcément, sur les origines, sur les classiques et aussi leur descendance, les BD plus récentes qui s'inscrivent dans cette tradition-là. Après quoi, il va y avoir une partie sur les parodies, puis les récits humoristiques, comme par exemple Gus de Blin, et puis aussi la série Lincoln des Frères Jouvray. Il va y avoir une autre partie sur le mélange des genres, quand par exemple les auteurs mettent une dimension fantastique dans le western. Oui, ben, entre autres, justement, avec Rédemption de Leave Town, dont on a parlé en première moitié d'émission, mais c'est un bon exemple, je pense, justement, où on intègre d'autres éléments en dehors des archétypes du western. Absolument. Moi, personnellement, quand je l'ai lu, j'ai pas pu écouter l'entrevue de tout à l'heure, je le ferai plus tard, mais je trouve qu'il s'agit d'un western mystique, voire apocalyptique. Alors, autrement, ben il y aura aussi une partie sur les trappeurs, c'est comme un sous-genre du western, et puis enfin une partie majeure sur les Indiens ou les peaux rouges, cela dit sans la moindre connotation péjorative. Ce que je veux dire, c'est que dans l'univers du western, on peut pas vraiment parler d'Autochtones ou de Premières Nations. Il y a aucune des BD que j'ai lues, même celles qui viennent de sortir, qui utilisent ces termes-là. Ce serait un peu anachronique, on n'y croirait pas vraiment. Alors de la même manière, moi j'utiliserais pas des termes indien ou peau rouge en dehors du contexte du western. Mais il se trouve que ça fait partie du vocabulaire d'un genre qui est très codifié, avec des archétypes très, très prégnants. Il y a le chasseur de primes, par exemple, il y a le croque-mort, le tenancier du saloon, le barbier, il y a les tuniques bleues, le fermier, le propriétaire de ranch. Ça, c'est pas tout à fait comme une ferme quand t'élèves des chevaux, là. Même ils sont en concurrence. Il y a bien entendu le cowboy, un terme qui, au sens strict, désigne un meneur de troupeau, ce qu'on appelle en espagnol un vaqueros et en français un vaché. C'est pas très glamour, tu sais. Et il y a les indigènes au sens de premiers occupants qui ont été faussement baptisés indiens et puis plus directement peau rouge, mais dans le langage du Far West, ça n'a pas, je dirais, une couleur plus raciste ou négative que quand on dit des visages pâles. Fait que c'est sûr que les récits de western sont peuplés de racistes et souvent remplis d'affrontements haineux. La conquête de l'Ouest, faut le dire, n'a pas été si glorieuse que les vieux westerns le laissaient croire. La conquête de l'Ouest, ben, ça reste une conquête, puis ça s'est fait dans la violence, dans le sang. Et les affrontements étaient cependant pas seulement entre les Blancs qui s'appropriaient les terres, puis les Autochtones qui vivaient depuis une couple de millénaires. Il y avait aussi des affrontements entre des capitalistes avides de faire avancer la voie ferrée, puis les colons qui aspiraient à cultiver un lopin de terre puis qui étaient dans le chemin du train. Il y avait des affrontements entre les esclavagistes et les abolitionnistes, entre les gens honnêtes et puis les hors-la-loi, etc. En fait, c'est des territoires où la loi était difficile à appliquer. En fait, les criminels et les desperados imposaient un peu une loi de la jungle. C'est beaucoup dans... Tu parlais de codification, dans le fond, c'est le mythe américain qui a magnifié aussi tous ces éléments-là. Mais évidemment, à travers tout ça, on parle, Michel, du genre en général, alors que la raison d'être de ta présentation, c'est pourquoi tu as programmé une soirée que tu as appelée « Le cowboy qui ne veut pas mourir », c'est que le genre western, et là on revient un peu à ce qu'on disait au départ, ça fait l'objet d'un regain de vitalité, ça jouit d'une popularité qui est grandissante depuis quelques années. Et t'en as glissé un mot tantôt, mais j'aimerais qu'on développe, dans le fond, quand on parle des chapitres sur les femmes, sur les Amérindiens, ça s'alimente peut-être un peu plus à des publications récentes aussi. Oui, forcément, c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, tu serais surpris, je pense que les gens qui vont assister mercredi soir prochain vont être aussi agréablement surpris de constater à quel point la BD francophone a de tout temps été, si tu veux, humaniste, non raciste. Dénonçant le sort réservé aux tribus amérindiennes pendant ce 19e siècle très sanglant, dans des séries aussi anciennes que Jerry Spring ou Blueberry, que j'ai nommé tantôt, et puis surtout dans l'œuvre du Suisse de Ribes, qui est le champion de la cause autochtone, eh bien, on montre les Amérindiens sous un jour vraiment de victimes. Il y a aussi de beaux personnages féminins qui remontent à loin, donc c'est pas juste dans les BD récentes. Oui, puis en fait, c'est vrai qu'il y a des figures historiques féminines très fortes qui sont devenues mythifiées au fil du temps, qu'on pense à des gens comme Calamity Jane, par exemple, qu'on a retrouvé, bon, si on se borne du côté BD, bien dans Lucky Luke, évidemment, c'est un personnage récurrent. Il y a une biographie en 3 tomes chez Futuropolis qui lui est consacrée. Il y a une nouvelle série qui s'appelle Wild West, mais elle est dans le tome 1, ça va paraître chez Dupuis en janvier prochain, c'est avec Thierry Gloris et Jacques Lamontagne. Donc, il y a ces éléments-là. C'est un personnage quand même assez inspirant. Oui, puis assez inspirant pour revenir sous la plume de plusieurs scénaristes et dessinateurs. Un merveilleux personnage. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une profusion de séries ou de récits complets qui puissent à la source, qui s'inscrivent dans la grande tradition du genre. Et en même temps, il y en a tout autant qui peuvent un petit peu déconcerter l'amateur ou l'amatrice de western, et puis en contrepartie, qui peuvent ravir les lecteurs et les lectrices qui sont peu versés dans le Far West. Dans les trucs récents, il y a vraiment des genres, des récits originaux. Et là, c'est le moment où je te demande des exemples. Oui. Ben oui, parce que là, prenez des notes, parce que c'est vraiment des suggestions de lecture. D'ailleurs, moi, j'aurai mercredi prochain une belle bibliographie là, pour que les gens puissent, après coup, en aval, aller lire les albums. Eh bien, dans les trucs originaux, un petit peu déconcertants, qui brisent les stéréotypes, je pense aux 2 biographies sur Geronimo. Je pense aussi à quelque chose qui s'appelle Indé, une histoire des guerres Apaches. Là, évidemment, on est du côté des Amérindiens, et puis disons que c'est des récits qui sont quand même assez durs, parce que personne n'était doux dans ces guerres-là. Dans le même sujet, il y a la série Black Hills, 1890, sur un scénario du Swolf dont je parlais plus tôt, et sur un dessin de Marc Renier, qui vient de nous quitter après un séjour de 3 mois au Québec. Ça porte sur le massacre des Sioux Lakota à Wundundi, qui est peut-être un nom de lieu qui dise quelque chose aux gens qui s'intéressent à l'histoire, où il y a eu un massacre vraiment déplorable. Je pense aussi à la merveilleuse trilogie de Nicolas Dumonteuil, Bigfoot, qui ressemble à rien, puis en même temps, où tu retrouves tous les codes du western. Je pense aussi à la biographie de Calamity Jane, que tu as nommée tantôt en 3 tomes, qui est vraiment passionnante. Je pense aussi à Frédéric Peters, qui, dans L'odeur des garçons affamés, fait semblant de raconter un western, comme il faisait semblant de faire de la science-fiction avec Lupus. Donc, avec lui, les genres sont ni plus ni moins qu'un décor pour raconter, en l'occurrence, des road movies amoureux. Et côté québécois, dans le fond, on a mentionné Jacques Lamontagne, on a mentionné Liv Tan. Est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels tu nous amènerais qui sont intéressés justement au western? Ben, je pense à 2 westerns pas orthodoxes. Ça aurait pu être des exemples que j'aurais donnés dans ta question précédente. Il y a Iris avec son folk. Il y a Chester Brown avec son Riel, qui est un petit peu plus ancien, qui reste Riel, il faut le dire, la grande figure du western canadien, dans un certain sens. Et tous ces auteurs-là, en fait, ils proviennent d'horizons divers. Ils n'ont pas nécessairement, en fait, de façon évidente de lien avec le western. Selon toi, en fait, qu'est-ce qui les amène à revisiter ce genre-là qui... à travers ton exemple d'il y a 2 ans, en fait, je veux dire, il y a une certaine époque, c'était un genre qui était connoté, qui était daté, qui était un peu passé, là. Je sais pas. Écoute, il faudrait quasiment leur demander un par un, une par une. Parfois, j'ai lu que c'est leur papa qui leur a transmis l'amour du western. La transmission, c'est important. Autrement, c'est peut-être le goût de revisiter l'esthétique du Far West. Une esthétique, je suis sûr, qui doit jouer de sa séduction avec ses grands espaces, avec Monument Valley, les rocheuses, les plaines, les mustangs, les vêtements, tu sais, toutes des affaires qui doivent être tellement tripantes à dessiner. Juste les personnages de cowboys, les indiens, les revolvers, les Winchester, tout ça. La tentation aussi de jouer avec les codes du genre, de s'essayer à quelque chose que plein de monde sont passés avant toi, puis toi, voir qu'est-ce que toi tu peux en faire, qu'est-ce que tu peux apporter au genre. Les codes, ben, on peut les respecter pour s'inscrire dans la tradition ou on peut les détourner. Il y a de tout ça dans les nombreux albums que j'ai lus depuis un mois. Et justement, comme tu en as lu beaucoup de western dans les dernières semaines, pour conclure, est-ce que tu aurais des incontournables, selon toi, à nous proposer? Ben, d'emblée, je te dirais les 3 chefs-d'œuvre franco-belges que sont les séries Blueberry, Comanche, scénarisées par Greg sur des dessins d'Hermann, et Body Longway du Suisse de Rib. C'est les 3 choses que, bon, encore une fois, je suis mal placé pour dire si ça a vieilli ou pas, mais dans tout ce que j'ai lu de récent, il n'y a rien qui déclasse ces 3 classiques-là. Et si quand même on essaie de proposer d'autres titres dans justement ces éléments récents-là, est-ce que tu aurais d'autres suggestions? Oui, là, moi, j'ai été particulièrement, je pense, séduit par des trucs qui nous amenaient un petit peu ailleurs que dans les ornières qui ont déjà été creusées par les roues de chariots et de diligence. Il y a Loup de pluie, magnifiquement dessiné et mis en couleur par Pelleiro, que moi, j'aime tout le temps. Lui, il fait du Pelleiro. Là, il est dans le western, mais ça reste que c'est sa patte et ça marche, ça fonctionne parfaitement. Un autre album qui s'appelle Etunoine, celui qui regarde. Ça, c'est par Thierry Murat, qui m'avait déjà subjugué avec Elle ne pleure pas, elle chante, et puis aussi avec son adaptation du Vieil homme et la mer d'après Hemingway, comme quoi tous les chemins mènent au Far West. Alors ben voilà, dans le fond, tous les chemins mènent au Far West et peut-être les nôtres, puisque on est conviés à aller plonger dans ce retour du Western en compagnie de Michel Giguère. Et tous les chemins mènent à la Maison de la littérature. Exactement, donc en plein cœur du Vieux-Québec, donc mercredi 11 décembre, 19h, Maison de la littérature, on se présente, pas de réservation requise. Et tu nous présentes tout ça avec force d'image, évidemment, comme c'est l'habitude. Alors ben, l'invitation est lancée. Michel Giguère, merci d'être venu mettre la table ici à l'émission. Merci de m'avoir reçu, on se retrouve en février. Exact, pour la prochaine saison, la 31e. 31e, ça va faire 15 ans, en février 15 ans. Ça nous rajeunit pas. Fatigué. Alors voilà, donc merci beaucoup Michel Giguère. Et nous, on va se diriger vers la conclusion de l'émission. Peut-être petite mention, simplement au passage, je m'en voudrais de pas le mentionner justement, puisque je parlais d'une mention, mais simplement pour dire que le Grand Prix de la critique ACBD a été remis, ça a été annoncé tout récemment. C'est Préférence Système qui a obtenu ce prix, c'est le 3e album d'Hugo Bienvenue, après les remarqués Sukiwa Island et Paiement accepté. Donc l'auteur né en 1987, il aborde une problématique d'actualité, le poids des données numériques et la place de la machine dans notre quotidien. Donc, son héros forcé d'effacer les traces du passé, comme l'œuvre complète du poète anglais Howden ou encore 2001 de Stanley Kubrick, choisit de s'enfuir en compagnie du robot qui porte son bébé. Alors, une fascinante réflexion sur un futur pas nécessairement si lointain, effrayant, magnétique. Donc, une bande dessinée qui succède à Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres, livre premier d'Émile Ferris, qui est de passage d'ailleurs à Québec en décembre. Donc, il avait été le Grand Prix de la critique 2019. Alors, ben voilà. Donc, félicitations à Hugo. Bienvenue, Grand Prix de la critique 2020. Alors, ben nous, c'est là-dessus qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas, on aura Humerlin et également La Pitoune et la Poutine en vedette avec leurs auteurs, donc ils seront avec nous à l'émission. Alors sur ce, passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir de vous accompagner.